Chapitre 10e, la belle-mère de Marie. Jamais peut-être aucun prétendu ne fit sa cour avec plus de calme que John Marchmont après qu'Olivia eut accepté l'offre de sa main. Il n'avait faim ni l'un ni l'autre un sentiment qu'il n'éprouvait pas, et je doute même que John eût été plus sentimental lors de son premier mariage, quoiqu'il eût tendrement aimé sa première femme. Il n'y avait rien de bien romanesque, ou de susceptible d'émotions violentes dans sa paisible nature. Son amour pour sa fille, quoiqu'il absorbât tout son être, était une affection muette et peu démonstrative, un dévouement réfléchi et presque effrayant qui se traduisait par une anxiété profonde, mais cachée au sujet de l'avenir de son enfant plutôt que par des signes extérieurs de tendresse. Si son amour eût été plus démonstratif et moins réfléchi, il n'aurait pas songé à contracter le mariage projeté sans s'assurer auparavant s'il plairait à sa fille. Mais il n'eut pas un seul instant l'idée de consulter Mary sur cette affaire importante. Il jetait sur l'avenir des regards d'épouvante, et il voyait son enfant adoré seul au milieu d'un désert et entouré d'ennemis prêts à la dévorer. Il saisit cette chance unique de lui procurer une protectrice qui lui serait unie par un lien légal et moral, car John Marchmont avait l'intention de constituer sa seconde femme tutrice de sa fille. Il ne pensait qu'à cela. Il se dépêchait de faire sa cour au presbytère, de peur que la mort ne se dressât entre lui et la prétendue qu'il n'aimait pas et ne privât son enfant d'une seconde mère. Telle fut l'histoire du second mariage de John Marchmont. Quand arriva la dernière semaine avant le jour fixé pour le mariage, il annonça à sa fille l'acte qu'il allait accomplir. Edward Arundel était au courant du secret, mais il avait été convenu qu'il ne le révélerait pas à Mary. Le père et la fille étaient un soir de la première semaine de décembre assis ensemble dans le grand salon. Edward était allé passer la soirée à Swampington et devait coucher au presbytère. Mary et son père se trouvaient donc seuls. Il était près de 9 heures, mais Mary avait insisté pour rester avec son père jusqu'au moment où il se coucherait. Elle ne se couchait jamais avant lui dans Oakley Street, disait-elle, quoiqu'elle fût beaucoup plus jeune. Elle était assise sur un tabouret recouvert en velours au pied de son père, et sa belle chevelure flottait à l'abandon pendant qu'elle appuyait sa tête sur le genou de John. Elle ne lui parlait pas. Ni le père ni la fille n'étaient grands causeurs, mais elle était avec lui, et cela lui suffisait. Les doigts amaigris de M. Marchmont roulaient et déroulaient négligemment les belles boucles sur son genou. Mary songeait à Edward et à la soirée de Swampington. S'amuserait-il beaucoup? Regretterait-il qu'elle ne fût pas là? C'était une soirée où n'assistaient que 2 grandes personnes, et il n'était pas encore assez âgé pour avoir été invité. Les jolies filles en bleu y seraient-elles et danseraient-il avec elles? La figure de son père exprimait l'inquiétude pendant qu'il regardait d'un air distrait les cendres rouges du foyer. Il prit la parole en cet instant, mais son observation fut des plus communes. Les commencements d'un drame sont rarement remarquables par une solennité de mauvais augure. 2 gentlemen se rencontrent dans la rue près d'un bec de gaz et causent avec volubilité de la tournure des affaires en général. Il n'est pas question de s'en verser ou de malheur tant que nous ne sommes plus avant dans la pièce. Aussi M. Marchmont, qui avait une communication importante à faire à sa fille et qui se demandait pour la première fois avec inquiétude comment elle la recevrait, commença la conversation en ces termes. « Tu devrais réellement te coucher de meilleure heure, chère Polly. Tu es bien pâle depuis quelque temps, et je sais que cela te fait du mal de veiller si tard. »« Oh non, papa !» s'écria la jeune fille. « Je suis toujours pâle, c'est naturel chez moi. Les veillées ne me fatiguent pas, papa. Dans Oakley Street, elles ne m'ont jamais rendu malade. » John Marchmont secoua tristement la tête. « Je ne sais trop, » dit-il. « Tu as eu à souffrir beaucoup à cause de la pauvreté de ton père, ma chérie. Si tu avais quelqu'un qui t'aima, une dame, tu entends, car un homme ne comprend rien à ces sortes de choses, ta santé serait mieux soignée et ton éducation aussi et tu serais en somme bien plus heureuse, n'est-ce pas, Polly ?» Il fit cette question d'un ton piteux et suppliant. Une terrible crainte commençait à s'emparer de lui. Sa fille pouvait ne pas voir avec plaisir ce second mariage. La démarche qu'il tentait en vue de son bonheur pouvait la rendre malheureuse. Devenu lâche à force d'aimer son enfant, il trembla à l'idée de chagriner sa fille dans le moment présent, bien que ce fût pour son bien-être futur qui devait être assuré par son mariage. Mary releva tout à coup la tête et regarda son père bien en face. « Oh, vous n'allez pas engager une gouvernante pour moi, papa ! » s'écria-t-elle avec empressement. « Je vous en prie, n'en faites rien. Nous sommes bien mieux ainsi. Une gouvernante me retiendrait loin de vous. Je suis sûr qu'elle n'y manquerait pas. Les Mrs. Landell à Hempley Grange ont une gouvernante et elle ne paraît se dessert que pour une demi-heure. Elle sort rarement en voiture et ne voit que fort peu leur papa. Lucie me l'a raconté et elles m'ont dit qu'elles donneraient tout au monde pour être comme moi, toujours avec leur papa. Oh, je vous en prie, papa, ne me donnez pas de gouvernante. » Elle avait les larmes aux yeux en parlant ainsi. La vue de ses larmes impressionna vivement son père. « Ma chère Polly, je ne veux pas engager une gouvernante, je... »« Polly, mon enfant, sois raisonnable, il le faut. Ne te fâche pas contre ton pauvre père. Tu es assez âgée maintenant pour comprendre cela. Tu sais ce qu'ont dit les médecins. Je puis mourir, Polly, et te laisser seul au monde. » Elle se serra contre son père et le regarda, pâle et tremblante, en lui répondant. « Si vous mourrez, papa, je mourrai aussi. Je ne saurais vivre sans vous. »« Si, ma chère enfant, tu vivras, tu vivras. Tu auras, si Dieu le permet, une longue et heureuse existence. Mais dans le cas où je mourrai en te laissant toute jeune et sans expérience comme tu l'es, il ne faut pas que tu sois sans amis pour veiller sur toi, te conseiller et te protéger. J'ai longtemps et sérieusement pensé à cela, Polly, et je crois que j'agis bien en faisant ce que j'ai résolu. « Qu'avez-vous résolu ?» s'écria Mary, répétant les paroles de son père et l'examinant avec une terreur soudaine. « Quelle est votre intention, papa ? Qu'allez-vous faire ? Rien qui nous séparera ? Oh, papa, papa, ne faites rien qui puisse nous séparer. »« Non, Polly, » répondit M. Marchmont. « Quoi que je fasse, c'est pour toi seul. Je vais me marier, ma chère enfant. » Mary poussa un gémissement étouffé qui indiquait une douleur plus vive que celle accusée par les larmes habituelles. « Oh, papa, papa » s'écria-t-elle. « Vous n'avez pas ce désir, vous ne l'aurez jamais. » Le son de cette voix plaintive désarma un moment John Marchmont, mais il appela à son secours tout le courage du désespoir pour ne pas se laisser influencer par son enfant et ne pas renoncer au projet qui devait assurer, croyait-il, son bonheur à venir. « Mary, Mary » dit-il d'un ton de reproche. « C'est bien cruel, mon enfant, ce que tu fais là. Crois-tu que je n'ai pas consulté ton bonheur avant le mien ? Crois-tu que je t'aimerais moins parce que je me serais marié dans ton intérêt ? Tu es bien cruel pour moi, Mary. » La petite fille se releva et se tint debout devant son père, les yeux baignés de larmes, mais un certain air de résolution se lisait sur sa figure. Elle avait été enfant pendant quelques moments et n'avait vu dans le coup qui la frappait que la souffrance qu'elle en éprouvait. Maintenant elle était femme, et en état de dominer sa douleur par la force de sa volonté. « Je ne veux pas être cruelle, papa, » dit-elle. « J'étais égoïste et méchante en parlant ainsi. Si cela vous rend heureux d'avoir une autre femme, papa, je ne m'en affligerai pas. Non, je ne m'en affligerai pas. Dû votre nouvelle femme, nous séparer un peu. Mais, ma chérie, » observa John, « je n'entends pas le moins du monde qu'elle nous sépare. Je veux que tu aies une amie, Polly. » Quelqu'un qui te comprenne mieux que moi, qui puisse t'aimer presque aussi bien peut-être. » Mary Marchmont remuait la tête en signe de dénégation. La chose ne lui semblait pas possible. « Me comprends-tu, ma chère enfant ?» continua son père. « Je vais avoir quelqu'un qui te servira de mère et, j'espère, je suis sûr qu'Olivia... » Mary l'interrompit par une exclamation soudaine qui fut presque un cri de douleur. « Pas Miss Arundel !» dit-elle. « Oh, papa, ce n'est pas Miss Arundel que vous allez épouser !» Son père fit un signe de tête affirmatif. « Qu'as-tu, Mary ? » dit-il avec agitation, en voyant son enfant le regarder avec douleur et épouvante. « Tu n'es pas du tout raisonnable ce soir. À tant faire que de marier, qui veux-tu que je prenne pour femme ? Indique-moi une meilleure qu'Olivia. Chacun sait combien elle est bonne. Tout le monde fait l'éloge de sa bonté. » Dans ces deux phrases, M. Marchmont confessait un fait auquel il n'avait jamais réfléchi lui-même. Ce n'était pas son impulsion à lui, ce n'était pas sa confiance instinctive en la bonté d'Olivia Arundel qui l'avait poussé à la demander pour femme. Il avait été influencé tout simplement par les opinions constamment émises autour de lui. « Je sais qu'elle est très bonne, papa, » s'écria Mary. « Mais pourquoi, oh pourquoi l'épousez-vous, elle ? Vous l'aimez donc beaucoup, beaucoup ?»« L'aimer ?» dit M. Marchmont naïvement. « Non, Polly, tu sais bien que je n'ai jamais aimé que toi. »« Pourquoi l'épousez-vous donc alors ? À cause de toi, Polly, à cause de toi. Si c'est à cause de moi, ne l'épousez pas, je vous en prie, ne l'épousez pas. Je n'ai pas besoin d'elle, je ne l'aime pas, je ne pourrai jamais être heureuse avec elle. Marie, Marie. Oh oui, je sais que c'est mal de dire pareille chose, mais c'est vrai, papa. Je ne pourrai jamais, jamais être heureuse avec elle. Je sais qu'elle est bonne, mais je ne l'aime pas. Si je commettais quelque faute, je ne compterais pas sur son pardon. Je n'aurais pas de merci à attendre d'elle. Ne vous mariez pas avec elle, papa. Je vous en supplie, ne vous mariez pas avec elle. Mary, dit M. Marchmont résolument, tu as grandement tort en ceci. J'ai donné ma parole, mon enfant, et je ne puis la retirer. Je crois que j'agis pour le mieux. Pas d'enfantillage maintenant, Mary. Tu as été ma consolation depuis que tu es au monde. Ne me rends pas malheureux aujourd'hui. L'appel de son père lui fut droit au cœur. Oui, elle l'avait soulagé et consolé dès son bas âge, et elle avait l'habitude du sacrifice. Pourquoi lui manquerait-elle maintenant? Elle avait lu des histoires de martyrs, patientes et saintes créatures pour qui la souffrance était une gloire. Elle serait martyre pour lui, s'il le fallait. Elle se tiendrait immobile, au milieu du bûcher enflammé, ou marcherait sans broncher sur des fers de charrue incandescents pour son père bien-aimé. « Papa, papa !» s'écria-t-elle en se jetant à son cou. « Je ne vous chagrinerai pas. Je serai bonne et obéissante envers Miss Arundel si vous le désirez. » M. Marchmont emmena sa petite-fille dans la jolie chambre à coucher qu'elle occupait à côté de la sienne. Elle était très calme quand elle lui souhaita bonne nuit, et elle l'embrassa avec le sourire aux lèvres. Mais jusqu'au moment où le jour parut, Mary Marchmont resta éveillée et pleura en silence sur le malheur qui lui arrivait. Dans cette même nuit, si longue, le maître du beau domaine de Lincolnshire eut un sommeil agité et troublé par d'horribles rêves, dans lesquels l'ombre noire qui se dressait entre lui et son enfant et les séparait à jamais avait les traits d'Olivia Arundel. Mais quand le jour revint, John Marchmont et sa fille furent soulagés. Mary se leva avec la détermination de se soumettre patiemment à la volonté de son père et de lui cacher toute trace de son chagrin déraisonnable. John échappa à ses rêves troublés pour croire, en s'éveillant, qu'il faisait sagement de se marier, et se consoler avec la pensée que, dans l'avenir lointain, sa fille le remercierait du choix qu'il avait fait. Les quelques jours avant le mariage s'écoulèrent avec une terrible rapidité et beaucoup de tristesse, et le dernier fut le plus pénible de tous, car Edward Arundel quitta Marchmont Towers pour retourner à Dangerfield Park, d'où il était probable qu'il ne s'éloignerait que pour repartir pour l'Inde. Mary sentit que le monde resserré de son amour s'écroulait autour d'elle. Edward était perdu, et le lendemain son père appartiendrait à une autre. M. Marchmont dîna au presbytère dans cette dernière soirée, car il fallait signer des contrats et arranger d'autres affaires, et Mary demeura seule, toute seule, à pleurer, son bonheur envolé. « Ceci ne serait jamais arrivé, se dit-elle, si nous n'étions pas venus à Marchmont Towers. Je voudrais que papa n'eût pas eu l'héritage. Nous étions si heureux dans Oakley Street, si complètement heureux. Cela me serait égal de redevenir pauvre si je pouvais toujours être avec papa. » M. Marchmont n'avait pu retrouver son calme intérieur après cette désagréable entrevue dans laquelle il avait annoncé à sa fille la nouvelle de son prochain mariage. Il avait beau raisonner en lui-même sur l'urgence de l'acte qu'il allait accomplir, il ne pouvait se dissimuler qu'il avait fait souffrir l'enfant qu'il aimait tant. Il ne pouvait effacer de sa mémoire le regard d'épouvante que lui avait jeté sa fille en se tournant vers lui au moment où il venait de prononcer le nom d'Olivia Arundel. Non, il lui avait fait de la peine. L'avenir lui permettrait sans doute d'envisager cette douleur comme quelque chose de nécessaire et d'avantageux au bout du compte. Mais l'avenir était encore éloigné. Et en attendant, Mary était là, avec une figure changée, calme et résignée, mais exprimant quand même un chagrin réel, et John Marchmont ne pouvait qu'être malheureux en sachant que sa fille chérie souffrait. Je ne crois pas que jamais homme ou femme ait fait un pas fatal sur le chemin de la vie sans avoir reçu auparavant des avertissements suffisants. La main de la Providence dresse sur le sentier fatal des obstacles pour nous arrêter, mais nous nous entêtons aveuglément à les franchir et à courir à la poursuite de ce quelque chose de vague que nous avons dans notre ignorance choisi pour notre but. Bon nombre de voix intérieures crièrent à John Marchmont que cet acte qu'il croyait sage ne l'était pas. Et pourtant, malgré ses avertissements, malgré les reproches que lui adressait à chaque instant la figure changée de sa fille, cet homme, qui était trop faible pour avoir en Dieu une entière confiance, persista avec un incroyable aveuglement à croire en sa sagesse à lui. Il ne voulait pas se contenter de confier le sort de sa fille, riche aujourd'hui, à la providence qui avait veillé sur elle, alors qu'elle était pauvre et l'avait sauvegardée du malheur. Il ne pouvait abandonner son enfant à la merci de Dieu, et il l'abandonnait à l'amour d'Olivia Arundel. Une vie nouvelle commença pour Mary Marchmont, après que le mariage se fut célébré sans bruit à l'église de Swampington. Les deux époux allèrent passer leur courte lune de miel parmi les montagnes couvertes de neige et les courants glacés de l'Écosse, sur les bords arides desquels le pauvre John grelotta de tous ses membres. Il est à craindre que John Marchmont, que la pauvreté avait forcé pendant la meilleure moitié de son existence à mener la vie d'un cockney, n'eût pas beaucoup de goût pour ce qui est grand et sublime dans la nature. Je ne crois pas qu'il regardât les murs en ruine qui avaient abrité jadis Macbeth et sa redoutable femme avec tout l'enthousiasme qu'on pouvait attendre de lui. Il n'avait qu'une idée à propos de Macbeth, et il préférait s'éloigner d'un endroit où subsistait le souvenir de Thane Bellicke, car les souvenirs du passé lui représentaient le meurtrier du roi d'un camp comme un gentleman très raide et peu accommodant, qui n'entendait pas du tout que les bannières fussent portées de travers ou tournées vers le public du mauvais côté, et qui défendait tout accès de tout à n'importe lequel de ses convives tant que durait le festin de barmecide en carton et en métal hollandais dont il avait coutume de les régaler. Non, John Marchmont en avait eu assez de Macbeth, et il trouvait passablement étonnant l'enthousiasme des autres touristes au nez rouge qui n'avaient pas l'air de songer au froid piquant. Je crains bien que le maître de Marchmont Towers n'eût préféré Oakley Street, de Lambeth à Princess Street d'Édimbourg, car la brise de la moderne Athènes faillit l'emporter par-delà le gouffre, entre la nouvelle et la vieille ville. Une visite à Calton Hill amena un accès de cette eau chronique qui avait si cruellement tourmenté le comparse aux jambes tremblantes dans les couloirs à courant d'air de Drury Lane. Melrose et Abbotsford fatiguèrent ce pauvre faible touriste. Il essaya de s'intéresser aux souvenirs stéréotypés qu'aiment d'autres voyageurs, mais il soupirait après le repos, qui était à ses yeux préférable au culte des héros, et il ne tarda pas à découvrir qu'il avait fait une folie en venant en Écosse en décembre et janvier, sans avoir consulté préalablement son médecin sur le danger d'une pareille excursion. Mais il y avait quelque chose qui le tourmentait plus que son malaise, et les désagréments qu'il rencontrait, et ce quelque chose que rien ne pouvait chasser, c'était son désir maladif de revenir auprès de la petite fille qu'il avait laissée derrière lui et de se retrouver avec elle. Les tristes pressentiments de Mary s'étaient déjà en quelque sorte réalisés. Déjà, sa nouvelle femme l'avait séparée sans intention, à vrai dire, de son enfant adoré. Les douleurs qu'il endura sous le ciel noir de l'Écosse lui rappelèrent forcément les avis des médecins. Il eut presque peur en songeant à son imprudence. S'il avait inutilement abrégé le nombre limité de ses jours, s'il allait mourir avant qu'Olivia eût appris à aimer sa belle-fille, avant que Mary se fût habituée à une affection familière pour sa nouvelle tutrice, 100 fois il fit appel à sa femme en implorant sa tendresse pour l'orpheline, le jour où il ne serait plus là pour l'entourer de son amour. « Je sais que vous l'aimerez par la suite, Olivia, » disait-il. « Vous l'aimerez autant que moi, peut-être, car vous verrez combien elle est bonne, patiente et dévouée. Pas même avant de la connaître, vous serez tendre pour elle, n'est-ce pas, Olivia ? Elle a été habituée à beaucoup d'indulgence. Je l'ai gâtée, peut-être, mais vous vous souviendrez de cela et vous lui témoignerez de la bonté. »« J'essaierai de faire mon devoir, » répondit Mrs. Marchmont. « Je demande à Dieu de ne jamais y manquer. » Olivia Marchmont ne ressentait dans son cœur aucune tendresse pour la jeune fille sans mère. Elle sentait elle-même que la tendresse lui faisait défaut et qu'elle lui aurait été nécessaire en cette circonstance. Elle aurait aimé sa belle-fille en ce moment si elle l'avait pu, mais elle ne le pouvait pas. Tout ce qu'il y avait de tendre et de féminin dans sa nature avait été dépensé dans son amour sans espoir pour Edward Arundel. Ce naufrage complet de sa petite cargaison d'affection avait rendu sa nature aigrie, émoussée et en tout point différente de celle de la femme. Comment ferait-elle pour aimer cet enfant à la belle chevelure, aux yeux doux comme ceux de la tourterelle, devant qui l'existence se déroulait magnifique avec tout son bagage naturel d'affection. Comment ferait-elle pour l'aimer, elle, dont l'avenir sombre n'était éclairé par aucune lueur, et qui se trouvait séparée du passé et seule dans le présent monotone et sans espoir? Non, se disait-elle, les princes et les mendiants ne peuvent s'aimer entre eux. Quand cet enfant et moi nous serons égales, quand elle sera comme moi, seule sur un rocher aride, au milieu d'une immense nappe d'eau, sans un souvenir qui la rattache au passé, sans une espérance qui lui sourit dans l'avenir, quand elle n'aura que le ciel noir au-dessus de sa tête et les vagues écumantes autour d'elle, alors nous pourrons nous aimer. Mais toujours plus ou moins fidèle au genre de progrès moral vers lequel elle tendait, Olivia Marchmont avait l'intention de faire son devoir envers sa belle-fille. Elle n'avait pas failli dans l'accomplissement de ses autres devoirs, quoiqu'aucun rayon d'amour ne les eût embellis et qu'aucune affection naturelle ne les eût rendus agréables. Pourquoi faillirait-elle à celui-ci? Si cette confiance en sa puissance semble quelque peu arrogante, qu'on se souvienne qu'elle s'était imposée de bien lourdes tâches avant l'époque actuelle et qu'elle les avait accomplies. La nouvelle fournaise à travers laquelle elle aurait à passer serait-elle plus terrible que les autres? Elle s'était agenouillée sur les marches de l'autel divin avec un homme pour qui elle n'éprouvait pas plus d'amour que pour le plus insignifiant des misérables pécheurs sous la garde de son père. Elle avait juré de l'honorer et de lui obéir, et elle avait eu du moins l'intention de remplir fidèlement cette partie de son serment, et dans la nuit qui avait précédé ce mariage sans amour, elle s'était roulée à terre, pâle, tremblante, folle et désespérée. Elle avait arraché de son cœur lacéré son amour sans espoir pour un autre homme. Oui, elle avait fait cela. Une autre femme aurait passé la veille de son mariage dans des larmes et des lamentations inutiles, dans de faibles prières et dans une lutte mal soutenue, qui aurait pu avoir pour résultat la destruction de quelques lettres, d'une boucle de cheveux et autres fragiles preuves d'un amour déçu. Elle aurait brûlé 5 ou 6 lettres, peut-être, cette pécheresse vulgaire et désolée, et elle aurait gardé la 6e pour l'enfouir dans son trousseau de mariage. Elle aurait jeté les 15/16 de cette boucle de cheveux et gardé la 16e partie, une toute petite boucle dorée, mince comme le fil auquel s'étaient rattachées ses espérances évanouies, pour la baigner de larmes et la couvrir de baisers dans les jours à venir. Une femme ordinaire aurait tergiversé entre l'amour et le devoir et n'eût été fidèle ni à l'un ni à l'autre. Mais Olivia Arundel ne fit rien de tout cela. Elle combattit sa faiblesse aussi vaillamment que Saint Georges combattit le terrible dragon. Elle arracha le serpent enroulé autour de son cœur sans prendre garde qu'elle arrachait du même coup une bonne partie de son cœur déchiré. Une femme sans énergie se serait tuée plutôt que d'endurer une pareille agonie. Olivia Arundel fit plus que de se tuer elle-même, elle tua la passion qui la dominait. Et cette œuvre, elle l'accomplit seule, sans le secours d'aucune sympathie humaine, d'aucune compassion, sans les conseils de personne et sans l'appui de son Dieu, car la religion qu'elle s'était créée pour son usage était une rude croyance, et les tendres paroles de consolation qu'elle devait avoir l'habitude de prononcer furent oubliées par elle dans cette longue nuit d'angoisse. Ce fut le stoïcisme romain, plutôt que l'humble résignation chrétienne, qui soutint cette malheureuse jeune fille tout le temps de sa torture. Elle ne renonça pas à son amour, parce qu'elle désirait se montrer obéissante envers son Dieu. Elle n'y renonça pas, parce qu'elle comptait sur la merci de celui qui lui infligeait cette souffrance et qu'elle entrevoyait, même au milieu de sa douleur, la possibilité de mieux comprendre un jour ce qui lui paraissait si sombre aujourd'hui. Non, elle soutint bravement cette rude épreuve, et elle en sortit triomphante par la seule force de son indomptable courage dans la souffrance et de son extraordinaire vigueur de caractère. Mais elle triompha. Si l'arme dont elle se servit fut le sabre classique et non le crucifix, elle n'en fut pas moins victorieuse. Quand elle s'agenouilla devant l'autel et tendit sa main à John Marchmont, Edward Arundel était mort pour elle. L'habitude fatale de le regarder comme le but de sa vie étroite était guérie. Dans son excursion en Écosse, ses pensées ne se reportèrent pas vers lui une seule fois. 100 fois, elle fut tentée par un mot, une allusion. 100 fois, sa figure et sa voix lui furent rappelées pour quelque ressemblance avec celle des gens qu'elle voyait ou qu'elle entendait. Mais elle ne tomba pas dans le piège et elle sut résister avec fermeté. Elle accomplit ses devoirs de femme comme elle avait accompli ses devoirs de fille. Elle ne se plaignait pas de son mari quand sa mauvaise santé le rendait un compagnon ennuyeux. Elle l'entoura de soins quand la douleur l'agaçait, et sa tâche ne fut guère moins ardue que celle d'une sœur hospitalière, lorsque, sur l'ordre du médecin écossais qu'on avait appelé à Édimbourg, John Marchmont reprit le chemin de son domaine et voyagea lentement, en s'arrêtant très souvent en chemin. Sa femme lui fut plus dévouée que son valet expérimenté, et eut pour lui plus d'attention que la meilleure garde malade. Elle ne recula devant rien, elle ne négligea rien. Elle tint rigoureusement le serment d'honneur et d'obéissance qu'elle avait prononcé devant l'hôtel. Et quand elle arriva à Marchmont Towers, par une triste soirée de janvier, elle franchit le majestueux portail de la façade occidentale, avec la détermination bien arrêtée d'exécuter aussi scrupuleusement la seconde moitié de son marché et de faire son devoir envers sa belle-fille. Mary se précipita hors du grand salon pour aller au-devant de son père et de sa femme. Elle avait quitté son vêtement noir en l'honneur du mariage de M. Marchmont, et elle portait une robe en soie bleu pâle, parfaitement assortie à sa jolie figure douce et à ses beaux cheveux blancs cendrés. Elle poussa un cri d'effroi et de douleur lorsqu'elle vit son père et s'aperçut du changement que ce voyage dans le nord avait produit en lui. Mais un regard de sa belle-mère la rendit prudente, et elle souhaita la bienvenue à son cher père en le serrant dans ses bras avec une ardeur presque désespérée. Elle accueillit Olivia avec respect et gentillesse. « Je ferai de mon mieux pour être bonne, maman, » dit-elle en prenant la main inerte de la nouvelle maîtresse de Marchmont Towers. « Je vous crois, cher enfant, » répondit Olivia avec bonté. Elle avait tressailli un peu en entendant Mary l'appeler maman et dénaturer à son intention le saint mot de mère. L'enfant avait perdu la sienne depuis si longtemps qu'elle n'éprouva pas cette angoisse poignante qui torture quelques orphelins quand ils sont obligés de regarder une figure étrangère et de lui dire « maman ». Elle s'était enseignée elle-même la résignation, et elle était prête à accepter cette étrangère comme sa nouvelle mère et à lui obéir dorénavant. L'idée de sa position future comme seule héritière de Marchmont Towers ne lui vint pas à l'esprit, quoique la rude expérience de la pauvreté l'eût fait raisonnable de bonne heure. Si son père lui avait dit qu'il avait annulé la substitution et disposé de Marchmont Towers en faveur de sa femme, je crois qu'elle se serait soumise sans mot dire à sa volonté et n'aurait vu dans cet acte aucune injustice. Elle l'aimait aveuglément et avec confiance. Par le fait, elle ne pouvait aimer que d'une manière. La bosse de la vénération devait avoir un développement anormal chez Mary Marchmont. Croire que la personne qu'elle aimait n'était pas parfaite aurait été pour elle une infidélité faite à l'amour. Si quelqu'un était venu lui dire qu'Edward Arundel n'était pas éminemment propre à occuper le poste de général en chef de l'armée de l'Inde, ou que son père pouvait commettre une erreur ou une folie, elle aurait reculé d'horreur devant le calomniateur. C'est une dangereuse qualité peut-être que cette simplicité qui ne comprend pas le mal et ne peut être amenée à y croire même quand elle le touche du doigt. Mais à coup sûr, parmi les belles et saintes choses d'ici-bas, cette confiance aveugle est une des plus pures et des plus belles. J'ai connu une dame qui n'est plus, hélas, de ce monde, d'où une aussi bonne chrétienne n'aurait pas dû s'envoler, qui conserva pleine et entière, jusqu'à sa dernière heure, cette naïveté d'esprit, cette impuissance absolue de croire au mal, malgré tous les désagréments d'une vie de lutte et d'agitation. Elle fut trompée, dupée, volée par des gens qui l'aimaient, peut-être tout en lui faisant du tort, car la connaître, c'était l'aimer. Elle fut volée par principe et pendant des années par une servante de confiance, et elle refusa toujours de croire ceux qui lui dévoilaient ses méfaits. Elle ne pouvait se faire à l'idée que les gens étaient méchants. Jusqu'au jour de sa mort, elle eut confiance dans les fripons et les boriens qui profitaient de sa pitié et de sa bienveillance, et elle les défendit avec indignation contre quiconque osait dire qu'ils n'étaient pas les plus infortunés des mortels. Aller à elle, c'était aller à une source intarissable d'amour et de tendresse. Connaître sa bonté, c'était connaître la bonté de Dieu, car son amour touchait à l'infini et eut démontré à un sceptique la possibilité de la divinité. 70 ans d'expérience mondaine avaient fait d'elle une femme accomplie, une compagne charmante, mais sa simplicité était toujours celle d'un enfant. Ainsi, Mary Marchmont, ayant pleine confiance en ce qu'elle aimait, se soumit à la volonté de son père et se prépara à obéir à sa belle-mère. La nouvelle existence à Marchmont Towers commença très paisiblement. Une parfaite harmonie régna dans la paisible demeure. Olivia prit les rênes du gouvernement avec si peu d'éclat que la vieille femme de charge qui avait longtemps fait la loi dans la maison du Lincolnshire se trouva reléguée au deuxième plan avant d'en avoir conscience. Il était dans la nature d'Olivia de gouverner. Sa force de volonté prenait le dessus presque malgré elle. Elle domina Mary Marchmont comme elle avait dominé ses écolières à Swampington, en leur dictant des lois pour diriger leurs étroites intelligences. Elle traça un plan d'études qui fut sur le moment terrible pour la jeune fille, dont l'éducation avait été jusque-là un peu négligée par son père. Elle s'interposa entre Mary et son unique distraction, la lecture des romans. Les volumes à demi-reliure furent arrachés sans pitié à cette jeune fille passionnée pour la littérature légère et renvoyée au cabinet de lecture de Swampington. La bibliothèque des Towers à étagères en vieux bois de chêne et l'édition Abbotsford des Waverley Novels fut même interdite à Mary, car bien que la morale de Sir Walter Scott fût irréprochable, il n'était pas convenable pour une jeune fille de pleurer sur Lucy Ashton ou Amy Robsart lorsqu'elle avait à étudier le globe terrestre et à découvrir la latitude et la longitude des îles Fidji. La pauvre Mary Marchmont se vit soumise à une routine désagréable d'ennuyeuses leçons, et son cerveau s'embrouilla presque sous une pluie incessante de faits détachés qui est aux yeux de bien des gens la meilleure méthode d'éducation. J'ai dit que son esprit était de beaucoup supérieur à son âge. Olivia s'en aperçut et lui imposa des tâches en conséquence afin que la perfection à laquelle on arrive par ce steeplechase d'instruction ne fût pas perdue pour elle. Si Mary apprenait des leçons difficiles avec une rapidité surprenante, Mrs. Marchmont lui en donnait de plus difficiles encore et tenait ainsi constamment l'éperon dans les flancs de ce bon coureur sur le terrain de la science. Mais il ne faut pas croire qu'Olivia tourmenta ou opprima volontairement sa belle-fille. Elle n'y songeait pas. En agissant ainsi, la seconde femme de John Marchmont pensait faire son devoir envers l'enfant qui lui était confié. Elle jugeait sage et bonne cette méthode ennuyeuse d'éducation et elle l'appliquait pour que Mary en profitât. Si elle fit lever Mary Marchmont plus tôt que d'habitude dans les froides matinées d'hiver, pour qu'elle s'exerçât à vaincre les difficultés d'une variation de Hertz ou de Schubert, elle se leva, elle aussi, et grelotta à côté du piano en battant la mesure pendant que sa belle-fille exécutait. Toutes les peines qu'elle infligea à Mary furent partagées par elle. Elle côtoya le bourbier de la science côte à côte avec la pauvre élève. Elle la fit passer par les empereurs romains, les schismes du Moyen-Âge, les premières manufactures anglaises, Philippe de Hainaut, les tissus de laine flamand, la Grande Charte, les constellations, Luther, Newton, Huss, Galilée, Calvin, Loyola, Sir Robert Walpole, le cardinal Wolsey, la conchologie, l'arianisme dans les premiers temps de l'Église, le jugement des criminels par un jury, l'habeas corpus, la zoologie, M. Pitt, la guerre américaine, Copernic, Confucius, Mahomet, Harway, Jenner, Lycurgue et Catherine d'Aragon. Elle entraîna sa malheureuse victime dans une danse diabolique où figuraient l'histoire, la science, la théologie, la philosophie et l'instruction de tout genre, et la prêtresse zélée fit faire chaque jour à la néophyte un pas vers l'hôtel éloigné où Pallas Athénée attendait pâle et impénétrable la venue de ce nouveau disciple. Mais Olivia Marchmont ne voulait pas être sans pitié. Elle désirait être bonne pour sa belle-fille. Elle ne l'aimait pas, mais elle ne la détestait pas non plus. Ses sentiments étaient à l'état négatif. Mary le comprit, et l'obéissance passive qu'elle montra pour sa belle-mère fut dénuée d'affection. Pendant près de 2 ans, maîtresse et disciples menèrent ainsi une vie monotone, rompue seulement par quelques dîners à Marchmont Towers ou une tournée de quelques jours à Harrogate ou à Scarborough. Cette existence monotone ne devait pas durer éternellement. Le jour fatal que redoutait tant le pauvre John Marchmont approchait de plus en plus. Le malheur qui avait assombri tous les rêves enfantins de Mary et qu'elle avait conjuré dans sa prière de chaque jour arriva enfin et Mary Marchmont resta orpheline. Le pauvre John ne s'était jamais bien remis des suites de son excursion en Écosse pendant l'hiver. Les bons soins de sa femme et le talent de son médecin ne purent prolonger sa vie, et vers la fin de l'automne de la seconde année après son mariage, il se sentit mourir lentement et sans souffrance physique, mais non sans douleur morale. Herbert Arundel essaya vainement de le consoler. Le mourant eut beau demander à Dieu le calme et la foi nécessaire en ce triste moment. Il ne pouvait se résoudre à laisser son enfant seul au monde. dans la folie de son amour, il aurait confiance en la vigueur de son bras pour la protéger, et il ne voulait pas la remettre entre les mains de Dieu. Il pria pour elle nuit et jour, pendant la dernière semaine de sa maladie, tandis que Mary priait de son côté et adressait au ciel des supplications passionnées, presque folles, pour que son père lui fût conservé ou qu'elle mourût avec lui. Au point de vue de l'humaine raison, cela aurait mieux valu pour elle qu'elle fût morte. Elle eût été un millier de fois plus heureuse si elle avait quitté la terre comme elle désirait la quitter, dans les bras de son père. Ces deux cœurs aimants finirent par être séparés. L'ombre de la mort plana sur la tête de John Marchmont et lui déroba la figure de sa fille. Il tendit les bras pour la chercher dans l'obscurité et il s'éteignit. La mort était venue. L'étroite langue de sable s'était rétrécie de jour en jour. Les vagues bondissantes approchèrent avec furie. Le frêle esquif sombra dans l'abîme et Mary se trouva seule, tenant dans sa main la main glacée de son père, qui la rattacha encore au passé, et jetant un regard désolé vers l'avenir mystérieux.